الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد إن من الكتب النافعة من كتب من كتب العلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الداء والدواء parmi les livres très profitables du célèbre savant محمد بن أبي بكر connu sous l'appellation d'Ibn Qayyim al-Jawziyyة رحمه الله تعالى il y a le livre La maladie et le remède et ce livre fait suite à une question La question d'un homme en détresse. La question d'un homme en détresse qui est venu voir ce grand savant ou qui s'est adressé à ce grand savant pour lui demander aide et bonne orientation. Il s'est adressé à lui avec la plus grande considération et lui a posé une question sincère, Wallahu a'lam, et cela a donné suite à ce livre. Cela a donné suite à ce livre. Et cet homme, le problème qu'il avait, c'est qu'il était attaché à un péché. Il savait pertinemment que de rester dans ce péché causait sa perte et sa destruction. Alors il revenait à Allah, il revenait vers Allah, il se repentait. Mais il retombait plus tard dans ce même péché. Alors à bout de force, il s'adresse à Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ma taqulu sadatul ulama immatud din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya bi baliyya wa 'alima annaha in istamarrat bi afsadat 'alayhi dunyahu wa akhiratah. Il demande le conseil et l'orientation des savants, des imams de la religion. Au sujet d'un homme qui a été éprouvé par une grande épreuve, et il sait pertinemment que s'il reste dans ce péché, ça causera la destruction de son bas monde et de son au-delà. وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي دَفْعِ عَنْ نَفْسِ بِكُلِّ طَرِيقٍ فَمَا يَزْدَادُ إِلَّا تَوَقُّدًا وَشِدَّةً. Il fait tout pour repousser ce mal, ce péché, mais ça ne fait que s'attiser de plus belle. Comment faire pour s'en délivrer? فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ مُبْتَلًا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ مُبْتَلًا Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui aidera la personne éprouvée. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِي Et Allah aide son serviteur lorsque celui-ci aide son frère. أَفْتُونَ مَأْجُورِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَ Ça c'est la question de cette personne. Ibn Qayyim lui répond الحمد لله أما بعد فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء الله Ibn Qayyim commence sa réponse en disant Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre avec également son remède. Mais certaines personnes ont connaissance de ce remède et d'autres l'ignorent. D'autres l'ignorent. Puis il mentionne que la plus grande guérison, le meilleur remède, c'est le Coran. C'est le Coran. Il faut revenir au livre d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين dit il est pour ceux qui ont la foi une guidée et une guérison. Le Coran, c'est une guidée. Le Coran, c'est une guérison. pour tout type de maladie. Et nous révélons du Coran ce dans quoi il y a la guérison, ou bien une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et vous connaissez tous le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri dans le Bukhari Muslim, lorsqu'une délégation parmi les compagnons sont retrouvés sur une terre étrangère et ont demandé l'hospitalité, celle-ci leur fut refusée. Puis le chef de ce clan-là a été piqué par une, peut-être mordu par un scorpion, une chose semblable. Ils ont tout fait pour chercher un remède et ils n'ont pas trouvé. Alors ils sont venus voir les compagnons, leur ont demandé « Est-ce que vous avez un remède ?» Un compagnon a dit « Oui, mais on vous a demandé hospitalité, vous l'avez refusé. Alors je ne vous donnerai pas ce remède si ce n'est avec une contrepartie. » Alors il lui a fait ruqya en récitant Al-Fatiha. Alors les compagnons ont divergé sur les bêtes qu'ils ont obtenues suite à la ruqya. Au retour, ils ont questionné le prophète sallam et il a dit « Wa ma yudrika annaha ruqya ?» Comment as-tu su que le Fatiha était une ruqya ? Donc le Coran, c'est une guérison. Et la personne doit avoir la certitude en la parole d'Allah. Elle doit avoir une bonne opinion d'Allah. Et il doit espérer la guérison à travers cette cause. Après le Coran, la deuxième cause de guérison, c'est le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt Ibn al-Qayyim nous dit, « وَالدُعَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ وَهُوَ عَدُوٌ لِلْبَلَى وَهُوَ عَدُوٌ لِلْبَلَى » الدُعَاء fait partie des meilleurs médicaments. Et c'est l'ennemi du problème. Il le repousse et le traite. Il l'empêche de tomber sur nous. Et lorsqu'il est sur nous, il l'enlève. Et lorsqu'on est touché par celui-ci, il l'allège. C'est l'arme du croyant. Donc il faut apprendre à faire dua. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala « Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an » Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Donc on doit se diriger vers Allah Azza wa Jal. Et il ne faut pas précipiter la réponse. Il ne faut pas dire « J'ai fait dua, j'ai pas eu de réponse ». Non, Allah répond tant qu'on ne se presse pas en disant « J'ai fait dua, j'ai pas vu de réponse ». Et il faut réunir des causes pour qu'Allah nous exauce. Et les meilleurs moments pour qu'Allah nous exauce, comme entre l'adhan et l'iqama, comme au dernier tiers de la nuit, comme en prosternation, comme après avoir fait une bonne action, comme le fait de prier sur le prophète, de faire les éloges d'Allah, le fait de faire l'istighfar, le fait de lever les mains, le fait de manger que du halal, de boire que du halal, le fait de ne pas opprimer les serviteurs d'Allah, faire les causes pour qu'Allah nous exauce. Invoquer Allah avec ses noms. Donc voici des remèdes très profitables. Et celui qui est éprouvé par le péché ne doit pas se reposer sur la miséricorde d'Allah et son pardon. Il doit aussi avoir peur de sa menace et de son châtiment. Et le serviteur doit être, comme on l'a étudié, entre la crainte et l'espoir. Il doit être entre la crainte et l'espoir, être accompagné des deux pour qu'il ne s'égare pas. Et ajouter à cela « el-mahabba », l'amour. Il ne doit pas penser qu'il va rester éternellement dans ce bas monde. Il doit savoir qu'il y a un jour où il va revenir vers Allah. « Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un » Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mis un grand chapitre dans son livre dans lequel il montre les effets nocifs et destructeurs des péchés sur le serviteur. Les effets nocifs et destructeurs du péché sur le serviteur. S'il ne s'en repent pas, s'il ne l'abandonne pas, s'il ne cherche pas à se corriger, ses péchés auront de nombreux effets sur sa personne. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولابد Walabud. Parmi ce qu'il convient de savoir, c'est que les péchés et les désobéissances nuisent, sans aucun doute. Wadararuha fil qalb qadarari as-sumum fil abdan. Et la nuisance des péchés sur le cœur est semblable à la nuisance du poison sur le corps. Ou dans le corps. À des niveaux, à des degrés différents. وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي. Et y a-t-il un mal qui touche les gens, que ce soit dans ce bas monde ou l'au-delà, sans que la cause ne soit en réalité les péchés? Tout le mal qui nous touche dans ce bas monde ou l'au-delà a pour cause nos péchés. فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ. Qu'est-ce qui a fait sortir les deux parents du paradis, Adam et Hawa? دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور. La demeure du plaisir, du bienfait, de la joie. إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. Vers la demeure des douleurs, des soucis, des tristesses, des malheurs. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده وطرده ولعنه. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Iblis soit viré du royaume des cieux et maudit? Qu'est-ce qui l'a anéanti? Suite à une belle apparence, il a eu la pire des apparences. Il était proche, il a été viré et éloigné. Il était proche de la miséricorde, il a été viré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il était proche du paradis, il sera proche de l'enfer. Il était proche de la foi, il est dans la mécréance. Et ainsi de suite. Il était élevé, il est humilié, rabaissé. Tout ça à cause des péchés. Tout ça à cause des péchés. وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ حَتَّى عَلَى الْمَا فَوْقَ رُؤُسِ الْجِبَالِ. Qu'est-ce qui a causé la noyade de tous les habitants de la terre dans le peuple de Noé, jusqu'à ce que l'eau dépassa le sommet des montagnes? وَمَا الَّذِي سَلَّتَ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ. Qu'est-ce qui a causé le déchaînement du vent sur le peuple de Ad? وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. Le cri qui s'est abattu sur le peuple de Thamoud jusqu'à ce que leur cœur se fende dans leur poitrine et qu'ils décèdent tous jusqu'au dernier. Qu'est-ce qui a élevé? Qu'est-ce qui a fait que le peuple de l'autre a été, yani leur terre a été élevée, ils ont été retournés jusqu'à ce qu'entendent les anges, les aboiements des chiens. Et l'ombre du nuage sur le peuple de Shu'aïb. Qu'est-ce qui a causé la noyade à Pharaon? Qu'est-ce qui a fait que Qaroun fut englouti dans la terre et avalé? Et ainsi de suite. La cause de tout cela, les péchés. La cause de tout cela, les péchés. Les péchés ont donc des effets destructeurs sur le serviteur. Plus loin, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala énumère des catégories des faits de manière plus détaillée et plus singulière. Et il dit que ces effets ne les connaît que Allah en réalité. Ils sont tellement nombreux, tellement graves que seul Allah les connaît. Mais il en cite quelques-uns en disant فَمِنْهَا حِرْمَانُ الْعِلْمِ. L'interdiction de la science, l'empêchement de l'acquisition de la science. La personne n'arrive plus à apprendre. Elle n'a plus cette lumière. Elle est éloignée des assises de science. Elle n'a plus le goût. Et ça, c'est une punition d'Allah Azza wa Jal. Le serviteur doit aimer les assises de science, aimer les assises de rappel. Il doit aimer venir à la mosquée, préserver ses prières à la mosquée. S'il s'en voit éloigné, c'est à cause d'un péché. Il doit se repentir et demander à Allah de guérir son cœur. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه روحا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل a appelé ce Coran une âme, parce qu'avec ce Coran on donne la vie aux gens. Il y a la guidée, il y a la lumière, il y a la vie pour les gens. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. وَمِنَا حِرْمَانُ الرِّزْقِ. Deuxième effet des péchés, l'interdiction de la subsistance, la diminution des biens. Le péché appauvrit le serviteur, l'affaiblit dans sa recherche de subsistance, diminue la baraka de ses biens. Le serviteur, à cause d'un péché, il se voit privé d'une subsistance et d'une richesse. Ibn Abbas disait inna sayyi'ata dha'fun fil badan wa qillatan fil rizq wa qillatun fil rizq inna sayyi'ata dhulmatun fil wajh wa sawadun fil qalb wa dha'fun fil badan wa dhiqun fil rizq wa bughdun fi qulubil 'ibad. Ibn Abbas disait, les péchés, c'est une noirceur sur le visage, des ténèbres dans le cœur, une faiblesse sur le corps, une diminution des richesses et une haine dans le cœur des serviteurs envers nous. وَمِنْهَا وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعَاصِي فِي قَلْبِهِ بَيْنَ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تُوَازِنُهَا وَلَا تُقَارِنُهَا لَذَّةٌ أَصْلًا. Une solitude, un mal-être que ressent le pécheur dans son cœur entre lui et Allah. Parmi les effets des péchés, le fait qu'il se sente seul, il se sente éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tombe dans un mal-être qu'aucun plaisir ne peut venir compenser. Si on unissait sur sa personne les plaisirs entiers de ce bas monde, cela n'aurait pas suffi à dissiper ce mal-être et cette solitude. Et cela le ressent celui qui a une vie dans son cœur. Quant à celui qui a le corps mort, il ne peut pas ressentir de blessure. Ibn al-Qayyim nous dit, فَلَوْ لَمْ تُتْرَكُ الذُّنُوبُ إِلَّا حَذَرًا مِنْ وُقُوعِ تِلْكَ الْوَحْشَةِ لَكَانَ الْعَاقِلُ حَرِيًّا بِتَرْكِهَا. Subhanallah. Ibn al-Qayyim nous dit, si il n'y avait eu comme effet des péchés que celui qu'on vient de mentionner, alors cela aurait été suffisant pour que le doué d'intelligence se sépare du péché, de peur de se retrouver dans cet état-là. وَإِذَا كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّنُوبُ فَدِعْهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِسِ. Et il fut dit, si les péchés t'ont plongé dans cette solitude, délaisse-les afin de retrouver la bonne compagnie. وَلَيْسَ عَلَى الْقَلْبِ أَمَرُّ مِنْ وَحْشَةِ الذُّنُوبِ عَلَى الْمُذْنِبِ فَاللَّهُ مُسْتَعَنِ. Il n'y a pas plus amer comme solitude pour le serviteur pécheur que la solitude ressentie à cause du péché. Quatrièmement, ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم. La solitude qu'il ressentira et l'éloignement qu'il ressentira entre lui et les gens, particulièrement les gens du bien. Et plus il ressent ce mal-être, plus il sera éloigné des gens de bien et de leurs assises. et il sera privé de la baraka de leurs assises. Et celui qui s'éloigne des assises de bien, il se rapprochera forcément des assises du mal et du shaitan. Plus il s'éloignera du parti d'Ar-Rahman, plus il sera rapproché du parti du shaitan. Et plus cette solitude et cet éloignement du bien se fera sentir ou ressentir. À un point tel que cette solitude et ce mal-être s'implantera entre lui et sa propre épouse, entre lui et ses propres enfants, entre lui et ses proches. Plus étonnant que cela, entre lui et sa propre personne, sa propre âme. وقال بعض السلف إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي ومرأتي. Certains parmi les anciens disaient, je désobéis à Allah et je ressens les effets de cela sur le comportement de ma monture et de mon épouse. ومنها تعسير أموره عليه فلا توجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو مس أو متعسرا. Parmi les effets des péchés, la difficulté dans les affaires. Il ne se dirigera pas vers un domaine, vers une affaire, vers une chose sans qu'il n'y trouve, sans y trouver complication, difficulté, sans trouver la porte fermée. Dès qu'il fait un projet, c'est difficile, il échoue. Dès qu'il fait, il veut une affaire, il a du mal et trouve la porte fermée. Tout lui est difficile. وَهَكَذَا كَمَنَّ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ جَعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا فَمَنْ عَطَّلَ التَّقْوَى جَعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Il en est ainsi tout comme celui qui craint Allah, Allah lui facilite ses affaires. Mais celui qui perd la crainte d'Allah, ses affaires lui sont difficiles. Et c'est étonnant de voir des gens qui trouvent la porte fermée et ensuite ils s'étonnent alors qu'ils sont dans les péchés. وَمِنْهَا ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِي حَقِيقَةً. Parmi les effets des péchés, des ténèbres et réelles qu'il trouve dans son cœur. Il ressent cela, tout comme avec les yeux, on ressent la pénombre et les ténèbres dans la nuit ténébreuse. Ainsi, les ténèbres du péché s'emparent de son cœur. Et il voit cela avec son cœur, tout comme le clairvoyant voit cela la nuit, les ténèbres de la nuit. فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورٌ. L'obéissance d'Allah, c'est une lumière. وَالْمَعْصِيَةُ ظُلْمَةٌ. Et la désobéissance, c'est les ténèbres. Plus ces ténèbres augmentent, plus son mal-être augmente, ainsi que sa perte. Jusqu'à ce qu'il tombe فِي الْبِدَعِ وَالْضَلَالَاتِ وَالْأُمُورِ الْمُهْلِكَةِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. Il s'égare tellement qu'il tombe dans les innovations, dans les égarements, sans s'en rendre compte. كَأَعْمَ خَرَجَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَمْشِي وَحْدًا. À l'image d'un aveugle qui sort dans les ténèbres de la nuit et il marche seul. Cette noirceur s'empare de son cœur, puis de son visage, à un point tel que tout le monde observe la noirceur sur son visage. قال عبد الله بن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. Ibn Abbas disait, certes, la bonne action illumine le visage, met une lumière dans le cœur, élargit la subsistance, donne une force dans le corps et l'amour dans le cœur des serviteurs. Et certes, le péché est une noirceur sur le visage, des ténèbres dans le cœur, une faiblesse sur le corps, une diminution des richesses et de la haine dans le cœur des serviteurs. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعَاصِ تُوهِنُ الْقَلْبِ وَالْبَنَنِ أَمَّا وَهَنُهَا لِلْقَلْبِ فَأَمْرٌ ظَاهِرٌ بَلْ لَا تَزَالُ تُوهِنُهُ حَتَّى تَزِيلُ حَيَاتَهُ بِالْكُلِّيَّةِ. Les péchés affaiblissent le cœur et le corps. Pour le cœur, c'est apparent. Ça l'affaiblit jusqu'à lui enlever la vie dans son entièreté. La vie de la foi, le iman, Quant à la faiblesse du corps, فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ قُوَّتُهُ بِقَلْبِهِ. Le croyant, sa force, elle est par son cœur. Plus son cœur est fort, plus sa foi est forte, plus son corps l'est. Par contre, le pervers, sa force, elle est dans son corps seulement, parce que son cœur est malade. Il est faible. Et au moment où il a le plus besoin de sa force, elle l'abandonne. Le pécheur, au moment où il a le plus besoin de sa force, elle l'abandonne. Parmi les effets des péchés, hirman ou ta'a, il se voit privé de l'obéissance d'Allah. C'est une des pires punitions. Le fait qu'Allah te maintienne dans son obéissance, te permette de te prosterner devant lui, de le supplier, de l'invoquer, d'avoir peur de lui, de l'aimer, d'espérer en lui, c'est un honneur qu'Allah te fait. C'est pas un mérite. C'est un honneur qu'Allah nous fait de nous mettre musulmans, croyants, soumis à lui, l'aimer, l'adorer. C'est un honneur de pouvoir se prosterner devant le Seigneur des mondes, de l'aimer, de l'invoquer, de le mentionner, de faire ses éloges. Et si la personne n'est plus apte à recevoir cet honneur, Allah le prive de cet honneur. Il le punit. Ainsi, l'adoration devient lourde pour lui. Il n'arrive pas à adorer Allah. Il n'arrive pas à se rapprocher des endroits où on adore Allah. Il n'arrive pas à fréquenter ceux qui adorent Allah. Il se voit privé par punition des chemins qui mènent au bien et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait un péché, on lui ferme une porte de l'adoration. Et enfin un deuxième, on lui ferme une autre porte de l'adoration. Et ainsi de suite. À cause d'un péché ou de plusieurs, il se voit privé de beaucoup d'adoration. Chacune de ces adorations desquelles il a été privé est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. À cause d'un péché, il se voit privé d'une adoration. Cette simple adoration était meilleure que tout ce bas monde et ce qu'il contenait. Mais lui, pour un plaisir éphémère, il a sacrifié cette adoration-là. Et ainsi, sa porte s'est fermée. Puis il répète cela, et répète cela 20 fois, 10 fois, et ainsi de suite. Il se voit privé de bon nombre d'adorations, alors qu'une seule de ces adorations était meilleure pour lui que ce bas monde et tout ce qu'il contenait. À l'image d'un malade, à qui le médecin dit, ne mange pas de telles choses. Parce qu'en mangeant de telles choses, ça va aggraver ta maladie, tu ne pourras plus manger beaucoup de choses. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il succombe à la tentation, il mange de cette chose. Il se voit privé de beaucoup d'autres choses. Il se voit privé de beaucoup d'autres choses. وَمِنْهَا نَالْمَعَاصِ تَخْصُرُ الْعُمْرِ وَتَمْحَقُ بَرَكَتَهُ وَلَا بُدْتُ. Parmi les effets des péchés, ça diminue la vie de la personne. Son âge. Par exemple, celui qui est obéissant vit jusqu'à 70 ans. Et celui qui est désobéissant, cette même personne-là, si elle est désobéissante, elle vivra jusqu'à 60 ans. Un exemple. Ou bien, celui qui est obéissant, il va vivre 60 ans en faisant les actions d'une personne qui a vécu 70 ans, là, mais la baraka dans sa vie. Et si cette même personne est désobéissante, elle va vivre jusqu'à 60 ans, mais avec les actions d'une personne de 30 ans. Parce qu'il n'y a pas de baraka, il n'y a pas eu de baraka dans sa vie. فَإِنَّ الْبِرَّ كَمَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ فَالْفُجُورِ يَقْصُرُ الْعُمْرِ. Le prophète m'a dit, rien n'ajoute à la vie de la personne comme l'ajoute ماذا يعني, par exemple, celui qui aimerait se voir allonger sa vie, augmenter sa subsistance, فَلْيَسِ الرَّحِمَ, qui lit les liens parentés. Les bonnes actions mettre la baraka dans la vie de la personne et l'allonge. Et les mauvaises, c'est le contraire. Plus la personne est occupée dans les péchés, moins elle prépare son au-delà. C'est comme si elle n'avait pas vécu. Tout le temps dans lequel elle est dans les péchés, c'est comme si elle n'avait pas vécu. Et ces gens-là diront, « Ya laytani qaddamtu li hayati. » Malheur à moi, j'aurais tant aimé avancer quelque chose pour ma vie. Parce que c'est comme s'il n'avait pas vécu. Tout le temps qu'il a passé dans les péchés, c'est comme s'il était mort. Les actions de bien Vous voyez ce temps-là? C'est ça la vraie vie. Tout le temps passé dans le bien, c'est ça la vraie vie, l'âge de la personne. Tout le reste, c'est comme s'il était mort, ça ne lui est pas compté. Ça ne lui est pas compté. Ibn al-Qayyim nous dit, sirrul mas'ala, la clé de cette histoire, la clé de cette question est de savoir que al-umr ou anna umra al-insan muddatu hayati. L'âge de l'homme en réalité, c'est le temps qui, c'est le temps de sa vie. Wa la hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbi. Ton temps ou ta vie, c'est le temps que tu as vécu. Et il n'y a pas de vie réelle si ce n'est en répondant à l'appel d'Allah, en se dirigeant vers son Seigneur, ton vrai temps, ta vraie vie, c'est quoi? C'est le temps où tu as passé à te diriger vers Allah, vers ton Seigneur, et à te délecter de par son amour et sa mention, en faisant devancer ce qu'Allah aime pour rechercher son agrément sur ce que tu aimes toi-même. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضه بعضا أو بعضها بعضا. Parmi les effets des péchés, c'est qu'un péché en entraîne un autre. Un péché en entraîne un autre, et ainsi de suite. Tout comme le bien appelle le bien. À un point tel que le serviteur devient dépendant et il n'arrive plus à se libérer de ses péchés. Certains parmi les anciens disaient « Inna min uqubati sayyati sayyata ba'daha » Parmi la punition pour le péché, le fait de faire un autre péché après celui-ci. Il a désobéi à Allah, on le punit en l'abandonnant à un autre péché. Il désobéit une deuxième fois, on l'abandonne à un troisième péché, et ainsi de suite. « Wa min thawabi al-hasanati al-hasana » Et parmi les récompenses de la bonne action, la bonne action. Il a fait une bonne action, alors on va l'assister, on va lui permettre pour le récompenser de faire une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Il reste tellement dans les péchés que ça lui devient une caractéristique et un nez qui ne le quitte plus, tel son ombre. Vois-tu le poisson que tu sors en dehors de l'eau, dans quel état il se retrouve? Ben, le pécheur est tellement dans les péchés que lorsqu'il se sépare du péché, il est dans une dépendance majeure. Il suffoque, il se sent étouffé, il se sent étranglé, il se sent châtié, violenté. Il est dépendant de ce péché, comme l'homme est dépendant de l'air, et comme le poisson est dépendant de l'eau. À l'inverse, celui qui est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, si tu l'éloignes de l'obéissance d'Allah, si tu l'éloignes de la mosquée, de l'amour d'Allah, de la science et ainsi de suite, il se sent mal. Il se sent mal. C'est comme si la terre était rétrécie, resserrée sur lui, malgré sa vasteté. Ce pécheur-là, si tu lui dis arrête ce péché, viens dans l'assise de bien, il se sent mal, il te fuit, il n'aime pas le conseil, il n'aime pas les assises de bien, parce que son cœur a été perverti à cause de ses péchés. Ayyadhan billah. Et celui du bien, si tu l'appelles au mal, et si tu lui dis de délaisser les bonnes assises, il peut pas, il ne veut pas, parce qu'il a été, son cœur a été éduqué et a été irrigué par le bien. Donc il faut choisir. De quel groupe, dans quel groupe on veut être? Celui qui fait les hasanat, puis encore des hasanat, aime les hasanat, ou celui qui est dans sayyiat et dépendant des sayyiat, penche vers les sayyiat. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ces gens-là ont la poitrine resserrée, ils sont malheureux. Ils arrivent même à un niveau où ils font les péchés que par habitude, sans en prendre aucun plaisir. Ils font cela que par peur de ressentir le manque. Au début, ils faisaient ça par délice, par plaisir, par recherche de sensations. À la fin, ils le font pour se soigner, par dépendance, comme un drogue, tels les drogués et les alcooliques. وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا. Et le poète a dit, ou la personne a dit, et un premier verre que j'ai bu par plaisir, un verre d'alcool, et un autre que j'ai pris pour me soigner. Ils ne ressentent même plus de plaisir. C'est un châtiment qui leur est infligé. Le serviteur obéissant, il supporte le bien, il supporte les bonnes actions, il fait des efforts jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et l'aide dans ce chemin-là. Il reçoit les doigts des anges, les doigts des gens pieux et ainsi de suite. Quant au pécheur, lui, il ne cesse d'être dans ses péchés, de s'abandonner dans ses péchés, puis il a comme compagnie les shayatins qui l'excite et le pousse dans le péché. Le premier, le pieux, a été renforcé par l'armée d'Allah. Le deuxième a été égaré par l'armée du shaitan. وَمِنْهَا وَهُوَ مِنْ أَخْوَفِ عَلْعَبْدِ أَنَّهَا تُضْعِفُ الْقَلْبِ عَنْ إِرَادَتِهِ. Parmi les effets des péchés, et c'est parmi les plus dangereux, c'est que la volonté dans le cœur du serviteur s'affaiblit. Sa volonté pour faire le bien. Quant à sa volonté pour faire le mal, elle se renforce. Donc, sa volonté de se repentir, de se corriger, de changer, de réviser sa personne, elle diminue, elle chute. Jusqu'au point de sortir totalement de son cœur, elle ne pense même plus au repentir. Si la moitié de son être mourait, il ne se repentirait pas. Allah a mis une exhortation dans le cœur de chaque croyant qui lui fait le rappel. Et le croyant, quand il fait un péché, il dit, Inch'Allah, je vais me repentir, il faut que je me corrige, il faut que je change, il faut que j'avance, il faut que... Le croyant a ça en lui. Mais le pervers, quand il chute vraiment en profondeur, il ne pense même plus à ça. Ça devient un mode de vie, le péché. Il vit au rythme de ses péchés. Et dans le meilleur des cas, il vient avec la demande de pardon des menteurs. C'est-à-dire qu'il dit avec sa langue Astaghfirullah, il pense au prochain moment il pourra faire le péché. Il n'est pas véridique. Il reste dans le péché et il dit Astaghfirullah. Il est déterminé à le recommencer. Et ça fait partie des pires maladies du cœur et des plus destructrices. Et à la base, c'est qu'une pensée, une envie. Mais lorsque le péché est concrétisé, et qu'il en appelle un second, puis un troisième, puis un quatrième, ainsi de suite, ça devient un mode de vie. وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْسَلِخُ مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاحُهَا. Parmi les effets des péchés, que la laideur du péché disparaisse de son cœur. Au début, il fait les péchés, il se cache, il sait que c'est mal, c'est mauvais, c'est laid, il a honte. Mais à force de pratiquer le péché, ça devient pour lui une habitude. Et il n'en voit même plus la noirceur, le caractère vil, l'humiliation, la mocheté de son péché, sa gravité. Mais au contraire, il ne se soucie plus des gens. Il n'a plus honte. Il ne se soucie plus de leurs paroles sur lui. Au contraire, chez certains grands pratiquants de la perversion, ça peut même concourir à parfaire le plaisir chez eux. C'est-à-dire, plus la personne agit salement, plus elle prend des grades dans leur domaine de la perversion. À un point tel que l'un d'eux a été couvert par Allah lorsqu'il a fait son péché, mais il le montre aux autres. Subhanallah. Il a été couvert. Et c'est lui qui prend son péché. Et il va le mettre sur Internet. Il le filme, il l'envoie aux gens. Ou il s'en vante, et ainsi de suite. Ça, c'est une punition en soi, à part. Le fait qu'il n'ait plus honte et qu'il propage lui-même son péché, c'est une punition en soi. Allah l'humilie. Certains mettent dans leur photo de profil leur personne en train de pécher. Allahu Akbar. Leur personne en train de commettre le haram. Personne ne le savait. Et ils se dévoilent eux-mêmes. C'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur leur personne. Ces gens-là, souvent la porte du repentir leur est fermée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahir » Toute ma communauté sera préservée, sauf celui, sauf ceux qui s'affichent. Et fait partie de cela le fait qu'Allah te couvre et ensuite toi, arrivé au matin, tu dis aux gens « J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Comme dans le hadith rapporté par l'imam muslim. Et combien ont rentré dans leur demeure des péchés, des paraboles ou des écrans et ainsi de suite, ils ont causé par leur propre main la destruction de leur personne et de leur famille et de leurs enfants. وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي هِيَ مِيرَاثٌ عَنْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Parmi les effets des péchés, c'est que chaque péché commis par une personne en réalité un héritage des peuples qui ont été anéantis par Allah avant nous. Chaque personne qui commet un péché est en réalité un héritier d'une communauté précédente anéantie par Allah lorsque celle-ci a désobéi à son messager. Celui qui, par exemple, est orgueilleux et qui sème le désordre sur la terre, c'est un héritier de Pharaon. Celui qui triche, qui vole, qui triche dans, dans le commerce, ainsi de suite, c'est un héritier du peuple de Shu'aïb. Ou celui qui s'enorgueillit, ainsi de suite, c'est un héritier du peuple de Houd. Celui qui s'élève au-dessus des autres et autres, c'est un héritier de Pharaon, et ainsi de suite. Et celui qui suit le tawhid ou le sunnah, les bons comportements, le repentir, dhikrullah, c'est un héritier du peuple de Mohammed, c'est un héritier de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend la science, il l'applique. Donc quel héritage on veut avoir? Ceux qui prennent la science, ils prennent l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui appliquent la science, ils ont pris l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui appliquent les péchés, ils ont pris l'héritage des peuples ennemis des prophètes. Alayhim salam. Le prophète sallam dit وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَلَفَ أَمْرِ. L'humiliation et le rabaissement sera infligé à toute personne qui aura contredit mon ordre. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Et celui qui ressemble à un peuple en fera partie. Comme l'a rapporté Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Écoutez bien ce point-là. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعْصِيَةَ سَبَبٌ لِهَوَانِ الْعَبْدِ عَلَى رَبِّهِ وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنِهِ. Parmi les effets des péchés, le fait que le péché commis par le serviteur soit la cause pour que le serviteur tombe du regard d'Allah. Sa place qu'il avait chez Allah, elle tombe. Il devient insignifiant chez Allah. Lorsqu'ils n'ont pas respecté Allah, ils lui ont désobéi. Et s'ils l'avaient vénéré, il les aurait préservés de s'humilier dans le péché. Et lorsque le serviteur est humilié chez Allah, personne après Allah pourra l'honorer. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Comme Allah nous le dit dans sourate Al-Hajj, celui qu'Allah humilie n'aura personne pour l'honorer après. Même si les gens les considèrent, leur déroulent le tapis rouge pour un bien qu'ils ont près d'eux comme argent, comme intérêt et autres, ou parce qu'ils ont peur de leur injustice et de leur mal, dans leur cœur, ils sont méprisés. Ils sont méprisés. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه. Parmi les effets des péchés, le serviteur ne cesse de commettre le péché jusqu'à ce qu'il le minimise et le voit petit dans son cœur. Abdullah ibn Saoud disait: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه Abdullah ibn Saoud disait: le croyant voit ses péchés comme une montagne devant lui, il a peur qu'elle s'écroule sur lui. Et le pervers voit ses péchés comme une simple mouche qui s'est posée sur son nez, il lui a fait comme ça, elle est partie. Ça, c'est un signe de perdition, le fait de voir petit le péché. Tu ne dois pas regarder la petitesse du péché, tu dois regarder la grandeur de celui à qui tu désobéis. Tu ne dois pas regarder la petitesse du péché, mais tu dois regarder la grandeur de ton Seigneur à qui tu désobéis. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa minha anna ghayrahu min an-nas wa ad-dawab ya'udu 'alayhi shu'mu dhanbi. Autre que ce pécheur-là, parmi les gens et même les animaux, voit en son péché un signe de mal. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد. Parmi les effets des péchés, ça humilie le serviteur. العزة في طاعة الله. La puissance et l'élévation, c'est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. À l'inverse, l'humiliation, elle vient avec sa désobéissance. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Celui qui recherche la puissance tout entière est chez Allah. Et Allah. C'est-à-dire rechercher là en lui obéissant. Allah nous dit dans le Coran: Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. La rétribution d'un péché, c'est un péché semblable. C'est un mal semblable. Wa tarhaquhum dhillah. Et ils seront touchés d'une humiliation. Le péché, ça lui apporte un mal et une humiliation. Et parmi les belles paroles de Omar ibn Khattab, lorsque Ubadat ibn al-Jarrah lui a dit de mettre de beaux vêtements pour accueillir le roi déchu. Omar ibn Khattab lui a dit: si seulement j'avais entendu ça d'autre que toi, ya Aba Ubaida. Puis il lui a dit: nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Nous les Arabes, nous sommes un peuple qu'Allah a élevé par l'islam. فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. Celui donc qui recherchera la suprématie, la puissance dans autre chose que l'islam, Allah l'humiliera. Allah l'humiliera. Ne voyez-vous pas que ceux qui ont cherché la izza, la puissance dans l'argent, Allah les a humiliés. Ceux qui ont cherché la puissance dans la notoriété, dans les réseaux sociaux, dans l'argent, dans les femmes, dans les drogues, dans Allah les a humiliés. Mais ceux qui sont cherchés l'élévation à travers l'obéissance d'Allah, Allah les a anoblis. Il les a élevés, on parle d'eux, des siècles et des siècles après. Radiallahu anhu. Donc ça, c'est une phrase, subhanallah, azima jiddan. Et certains parmi les anciens disaient: Allahumma a'izzani bi ta'atik, wa la tuzillani bi ma'asiyatik. Ou Allah, renforce-moi de par ton obéissance et ne m'humilie pas par ta désobéissance. الحسن البصري disait: إن ذل المعصية لا يفارق إن ذل المعصية لا يفارق قلوبه. L'humiliation du péché ne se sépare pas de leur cœur. أبى الله إلا أن يذل من عصى. Allah a décrété que toute personne qui lui désobéira sera humiliée. Et Abdullah ibn Mubarak disait: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها. J'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs et que de les répéter a mené au final l'humiliation. Alors que le délaissement des péchés, dans cela il y a la vie des cœurs, et c'est meilleur pour toi que de t'en éloigner. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعَاصِ تُفْسِدُ الْعَقْلِ. Parmi les effets des péchés, c'est que les péchés corrompent la raison. La raison, c'est la lumière. Et les péchés éteignent cette lumière. La personne saine peut utiliser sa raison dans ce qui lui est profitable, pour distinguer entre le bien et le mal, pour aller vers le bien, pour s'éloigner du mal, savoir où est son bien. Mais les péchés viennent affecter ce discernement. Toute personne qui désobéit à Allah, c'est comme si sa raison venait à lui manquer à ce moment-là. Comment est-ce qu'il peut oser lui désobéir avec toute sa raison, alors qu'il sait qu'Allah le voit, l'entend, le surveille, qu'il est sous, il est dans son royaume, sous sa volonté et sa domination. Ses anges sont témoins de ce qu'il fait, ils écrivent. L'exhortation dans le Coran aussi le touche, celle de la foi le touche, celle de la mort le touche, le paradis et l'enfer, ou bien l'enfer le touche, et ainsi de suite. Il se rappelle de ça, il se rappelle de ça. Et malgré tout ça, il désobéit à Allah. C'est qu'il a perdu la raison, ou elle s'est absentée. Comment est-ce qu'il fait devancer un péché dans ce bas monde pour un court plaisir éphémère, et il oublie les conséquences dévastatrices dans l'au-delà, il oublie le plaisir éternel au paradis. Parmi les effets des péchés, c'est que ça amène, yani il vient avoir son cœur scellé. Dans le hadith, celui qui fait un péché, on met un point sur son cœur. S'il refait un péché, un autre. S'il se repent, on blanchit cela. Allah dit en Coran, Kallabal, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. À cause des péchés, la personne peut se voir sceller le cœur. Elle ne reconnaît plus le bien du mal. Elle ne peut plus distinguer entre le bien et le mal. C'est-à-dire, il fait des péchés, puis il refait des péchés, puis il refait des péchés, jusqu'à ce qu'on scelle son cœur. À ce moment-là, son cœur devient aveugle. Le cœur rouille avec les péchés. Ensuite, il devient insouciant. Et ça, c'est une maladie grave et une punition en soi. Parmi les effets des péchés, c'est que celui qui commet un péché, il peut tomber sous la malédiction faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit qu'Allah maudit celui qui fait ça, qu'Allah maudit celui qui fait ça. Ben lui, en faisant ce péché-là, il tombe sous sa malédiction. Il tombe sous sa malédiction. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit certaines personnes des grands péchés. Al-Washima wa al-Mustawshima. Al-Washima والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنامصة. Il a maudit celle qui fait des tatouages, celle qui à qui on fait un tatouage, celle qui fait les tatouages, celle qui à qui on met des rajouts, des faux cheveux, et celle qui fait ce travail-là, celle qui ماذا s'épile les sourcils, celle qui à qui on épile les sourcils. Celui qui mange des intérêts, de l'usure, à riba. Celui qui boit de l'alcool, celui qui vole. Et beaucoup d'autres personnes encore. Celui qui maudit ses parents. L'homme qui ressemble aux femmes, la femme qui ressemble aux hommes. Celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah, une bête, les gens des représentations, ceux qui accueillent des innovateurs ou bien des criminels. Et beaucoup d'autres catégories de personnes encore. وَمِنْهَا حِرْمَانُ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَدَعْوَةِ الْمَلَائِكَةِ. Parmi les effets des péchés, c'est qu'il se verra privé des dua des anges. Et des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah. On trouve dans le Coran, dans surat Ghafir, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour, c'est-à-dire les anges, proclament la pureté et la perfection de leur Seigneur et ont foi en lui et demandent pardon pour ceux qui ont la foi. Les anges font dua. Ils demandent à Allah de pardonner les gens de la foi. Ô notre Seigneur, tu as embrassé de ta miséricorde toutes choses, ou tu as embrassé toutes choses de par ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui reviennent vers toi ou se repentent et ont suivi ton chemin et préserve-les de l'enfer. Ô notre Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, eux ainsi que ceux qui parmi leurs enfants seront pieux, ainsi que leurs épouses et leurs descendants. Tu es certes le puissant et le sage, et préserve-les des effets des péchés. Celui à qui tu as accordé cela, tu leur as vraiment fait miséricorde. Et voici l'énorme succès. Les anges font dua pour les croyants qui se repentent, qui reviennent vers Allah, qui suivent le prophète sallam. Parmi les effets des péchés, c'est que à cause de ces péchés, on diminue la baraka de la terre. Et il y a beaucoup de mal qui survient sur la terre, dans l'eau, dans l'air, dans tout. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le mal est apparu sur la terre, le désordre, sur la terre et sur la mer, à cause de ce qu'on leur de ce que les gens ont fait. À cause de ce que les gens ont fait. À cause des péchés, il y a moins de pluie. À cause des péchés, il y a moins de baraka dans la terre et ainsi de suite. À chaque fois qu'ils font un péché, Allah Azza wa Jalla leur met un malheur. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا Pour qu'ils subissent, pour qu'ils goûtent une part de ce qu'ils ont fait. C'est qu'une part du résultat de ce qu'ils ont fait. Et si Allah nous a fait goûter entièrement, personne ne serait resté vivant sur la terre. Parmi les effets des péchés sur la terre, par exemple, les tremblements de terre. La diminution des richesses et de la baraka. Parmi les effets des péchés, أَنَّا تُطْفِئُ مِنَ الْقَلْبِ نَارَ الْغَيْرَةِ الَّتِي هِيَ لِحَيَاتِهِ وَصَلَاحِهِ كَالْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ لِحَيَاتِ جَمِيعِ الْبَدَنِ. Parmi les effets du péché sur la personne, le fait qu'on éteigne à cause de cela sa jalousie. Sa jalousie. Il n'a plus de jalousie devant le mal, se met plus en colère. Ça ne lui fait plus effet. Le prophète sallam nous dit « Yaoumata Muhammad » Vous, la communauté de Mohammed, ma ahadun aghyaru min Allah an yazni abdahu aw tazni ummatah. Il n'y a pas plus jaloux qu'Allah que de voir son servant commettre la fornication avec sa servante. Il n'y a pas plus jaloux que Allah, c'est pour cela qu'il a interdit les turpitudes. On trouve ces hadiths dans le Bukhari, dans le Muslim. ومن عقوبتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. Parmi les effets des péchés et la punition, c'est que ça dissipe la pudeur de la personne. Ça enlève sa pudeur. La pudeur qui est la vie du cœur et la base du bien. Et comme le prophète m'a dit, « Dalam tastahi fasna' ma shi't. » Si t'as pas, on te fait ce que tu veux. Parmi les pires punitions que subit le pécheur, أَنَّا تُضْعِفُ فِي الْقَلْبِ تَعْظِيمَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ. Le péché diminue la vénération qu'a le croyant dans son cœur pour Allah, pour son Seigneur. Plus il fait des péchés, moins il respecte Allah subhanahu wa ta'ala. Il considère moins Allah, il vénère moins Allah à cause des péchés qu'il commet. Et il se peut qu'il se trompe lui-même et que son âme le trompe en disant « Je fais des péchés parce que j'espère en Allah le pardon, parce que je sais qu'Allah pardonne, ainsi de suite. » Ça, c'est de l'illusion et de l'égarement. Donc, parmi les effets des péchés, la diminution de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du serviteur. Celui qui immensifie Allah, Allah l'immensifiera dans le cœur des serviteurs. Et celui qui ne respecte pas Allah, Allah fera en sorte qu'il ne soit pas considéré dans le cœur des serviteurs. Plus la personne respecte Allah, respecte la religion d'Allah, plus Allah fait en sorte que cette personne soit respectée. Dans le cas contraire, elle sera avilie. Tout ce qu'il y a sur la terre vénère Allah. Proclame la louange d'Allah, la pureté d'Allah. Comment lui, il ne pose pas son front par terre ou il ne s'humilie pas chez Allah? Ça veut dire qu'il est encore plus bas que les animaux. Ça veut dire qu'il est encore plus bas que les animaux. Alam tara an Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shams wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab wa kathirun min an-nas. Toutes ces choses-là se prosternent pour Allah, se soumettent à Allah. Et lui, il vénère pas Allah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqar. Et ma lakum la tu'azzimuna Allah haqqa ta'zimi. Donc il faut pas être plus bas que les animaux. Et parmi les punitions du péché, anna tastad'i nisyan Allah al-'abdi. Un des points les plus graves qui pousse le serviteur à arrêter les péchés, c'est que celui qui fait des péchés, ça lui amène le fait qu'Allah l'oublie, c'est-à-dire l'abandonne. Allah l'abandonne. L'oubli est de deux sortes. Il y a l'oubli volontaire et il y a l'oubli par manque de science. Allah est exempt d'oubli. Allah Azza wa Jal n'est pas sujet à l'oubli. Naam. Allah la yansa. Fa huwa bi kulli shay'in alim. La yadhillu rabbuka wa la yansa. Mais d'un autre côté, al yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha. Nasullah fa nasiyahum. Ça c'est une punition en réponse à leur agissement. Mais ce n'est pas l'oubli dans le sens « il ne sait pas, il doit se rappeler ». Non, c'est « bima'ana at-tark ». Le sens, c'est le délaissement et l'abandon. Allah Azza wa Jal abandonne le serviteur à sa propre personne. Il l'abandonne, il le délaisse. Allah subhanahu wa ta'ala le laisse entre lui et ses shayatins. Comment est-ce qu'il pourra être sauvé après ça? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire le jour dernier, et craignez Allah, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a alors délaissés, abandonnés, voici les pervers. Allah nous a ordonné de le craindre et de ressembler aux serviteurs croyants, bons. Celui qui va délaisser la piété et ne va pas agir selon ce qui est bon dans son futur, il va oublier de faire ce qui est bon pour lui. Allah l'abandonne. Ainsi, ce serviteur va s'abandonner lui-même, il va abandonner de se sauver de l'enfer, abandonner de se repentir, abandonner de faire les bonnes actions. Et il périra. Ça, c'est une des pires punitions sur le serviteur. C'est qu'Allah l'abandonne. Allah l'abandonne. Alors, le serviteur, il ne fait plus rien de bon. Il n'agit plus pour sa propre personne, pour son salut. Parmi les punitions dues au péché, le fait qu'il sort de la sphère de l'ihsan, de l'excellence. Il n'est plus concerné par tous les hadiths qui parlent de l'excellence. Parmi les effets des péchés, c'est qu'il sort du parti des croyants qui ont la foi complète et des éloges faits dans le Coran au sujet des croyants fermes. Pour finir, il reste beaucoup d'autres points et je vous invite à lire le livre. Il est en arabe, il est aussi traduit en français. On va s'arrêter sur ce dernier point. « Wa min uqubatihi anna tud'ifu sayrul qalbi ila Allah wa ad-daril akhirah » C'est que parmi la punition des péchés, c'est que ça affaiblit l'acheminement du cœur vers Allah et l'au-delà. Celui qui est dans les péchés, ça le rend faible dans son approvisionnement pour aller vers l'agrément d'Allah, pour aller vers le paradis d'Allah. Il devient faible dans tout cela. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُعِينَنَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Après avoir remercié Allah tabaraka wa ta'ala, je remercie les responsables, ceux qui m'ont invité, les frères qui m'ont accueilli, tous ceux qui sont entraînés pour que ce séminaire se déroule de la plus belle manière, et pareillement pour ceux qui ont assisté avec patience et leurs enfants. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa aslahallahu dhurriyatikum.